à l'échange épistolaire de la lune et de la terre. Je te prends sur mes genoux, tes cheveux ont l'élégance du vent. Ta bouche est un sourire, tes yeux sont une âme, c'est elle que j'aime avant tout sans l'avoir vue. À l'échange épistolaire de la lune et du soleil, nous regardions mes yeux dans tes yeux, ton âme dans mon âme, dans l'inclinaison d'un regard, dans l'échange épistolaire de la lune, dans l'échange épistolaire de la mer et de la terre. Tes seins sont des vagues, les vagues défilent sur ton horizon. Au loin, dans l'échange épistolaire de la lune et de la terre, je te prends sur mes genoux, tes cheveux ont l'élégance du vent, ta bouche est un sourire, tes yeux sont une âme, c'est elle que j'aime avant tout sans l'avoir vue. L'échange épistolaire de la mer et de la terre, tes yeux sont les vagues défilent sur ton horizon.